soleil. Que votre chemin. Que votre soleil. Au quotidien. Tout le bonheur du monde. Votre soleil éclaircisse l'ombre. Soleil éclaircisse l'ombre. Oh, tout le bonheur du monde. Merci France Télécom, au quotidien, pour permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Télécom, permettre à nos hommes. Combien sont-ils, combien sont-ils nos abonnés, branchés du soir au matin, accrochés au combiné. Allô, allô madame Trio, voudrait bien vous parler. Ok, je prends le bip et je te rappelle après signal d'appel ou option conférence, facture détaillée, minitel et interférence. Entends-tu la cohue des ondes au beau milieu des c'est des drogués, la voix s'accroche au satellite, retombera-t-elle sur la terre. Défoncé là-dedans. France Télécom, d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Allô, allô. Pour s'écraser sur les fils électriques plongés, ni le foyer dans le silence électronique. L'économie plonge, les finances paniquent. Le téléphone est devenu bien plus que pratique. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Car défiant les lois de l'espace et du temps, oh, branché sur internet internationalement, tes yeux d'être partout, de contrôler à la fois ce qui te dépasse et ce que tu peux toucher du bout des mains. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie des téléphones. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce. Merci.